Chapitre 22e. Sir Roger perd son siège au Parlement. Aucun événement remarquable n'eut lieu à Greshamsbury pendant les 3 ou 4 mois qui suivirent l'équipée de Frank. Il va sans dire que son absence prolongée fut remarquée à Cambridge, et que la nouvelle, peut-être exagérée, de ce qui s'était passé dans Pall Mall, ne tarda pas à se répandre dans le monde universitaire. Mais l'affaire fut un peu étouffée et Frank put reprendre le cours de ses études. Il avait été convenu entre lui et son père qu'il ne retournerait pas à Greshamsbury avant les vacances d'été, et chose étrange, le squire et Lady Arabella avaient été du même avis dans cette circonstance. Tous deux désiraient également éloigner leur fils de Midthorn, et tous deux calculaient qu'à son âge et avec un caractère comme le sien, son amour ne résisterait pas à une absence de 6 mois. « Et quand viendra l'été, nous en profiterons pour faire un tour sur le continent, » dit Lady Arabella. « La pauvre Augusta a bien besoin d'un changement de scène pour retremper ses esprits. » Le squire n'eut pas l'air d'entendre cette dernière proposition, mais une chose au moins fut décidée, c'est que Frank resterait à Cambridge jusqu'aux vacances d'été. On se souvient que Sir Roger avait été nommé membre du Parlement pour Barchester, mais on se souvient aussi qu'il avait été question d'adresser une pétition au ministre pour obtenir que l'élection fût annulée. Si cette élection n'eût dépendu que de M. Moffat, il est plus que probable que le fouet de Frank eût conservé à Sir Roger son siège au Parlement. Il n'en fut pas ainsi. Les deux Courcy avaient pu avoir leur secret motif pour mettre en avant M. Moffat, mais il n'entrait nullement dans les intentions de cette noble famille et de ses partisans de rester dans l'ombre, parce que leur protégé avait reçu les étrivières. Loin de là, la pétition devait être présentée, et M. Netherwind déclara que jamais pétition n'avait eu autant de chances de succès. Chance n'était pas le mot, c'était certitude qu'il fallait dire, car M. Netherwind avait eu vent de l'affaire du publicain et du paiement de son mémoire. La pétition fut donc présentée et dûment signée. On ne négligea aucune des formalités nécessaires, et Sir Roger découvrit bientôt que son siège était menacé. Sa nomination avait été un grand triomphe pour lui, et malheureusement il l'avait célébré comme il avait coutume de célébrer tous ses triomphes. Quoiqu'il fût alors à peine remis des suites de sa dernière attaque, il s'était livré à une nouvelle orgie, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il ne ressentit pas immédiatement des effets de son intempérance. Il prit siège au Parlement au mois de février et reçut les félicitations de tous les hommes de sa classe, mais dès les premiers jours d'avril, l'enquête aboutit. Tous les péchés connus de la brigue électorale lui furent imputés. On l'accusa de parjure et de corruption. Il avait, disait l'acte d'accusation, acheté des votes. Il en avait obtenu par la fraude, par la violence et par la boisson. Il en avait fait inscrire quelques-uns 2 fois. Il avait compté ceux de quelques électeurs décédés. En un mot, il les avait volés, forgés et obtenus par tous les moyens illicites possibles. Il n'était pas de vénalité dont il ne se fût rendu coupable par lui-même ou par l'entremise de ses agents. Sir Roger fut terrifié lorsqu'il vit la liste des énormités qu'on lui attribuait, mais il fut un peu rassuré quand M. Clover Steele lui dit que tout cela se bornait à un mémoire que M. Romer avait payé à Reddy Palm, le cabaretier. « Je crains bien qu'il n'ait été indiscret, » dit M. Klaus Hostil. « Les jeunes gens le sont souvent. Ils dépensent inconsidérément leur énergie. À quoi sert l'énergie sans la prudence ?»« Je ne savais rien de tout cela, » dit Sir Roger. « Non, mais on peut prouver que vous aviez des agents, » dit M. Klaus Hostil en hochant la tête, et la conversation resta là. Tout délit politique est abominable aux yeux des Anglais, mais il n'en est pas de plus abominable que la vénalité des suffrages. Ce crime-là est irrémissible, c'est celui qu'on ne pardonne jamais à la Chambre des communes. L'homme qui s'en rend coupable est condamné à une mort politique sans espoir de pardon. C'est une trahison contre un trône plus élevé que celui de la reine. C'est une hérésie qui demande un auto-da-fé. C'est pour la Chambre une souillure dont elle ne peut se purifier que par un grand sacrifice. Anathème, anathème, qu'il sorte du milieu de nous, dût-il nous en coûter la moitié de notre sang ? Tel est le langage des représentants patriotes du peuple anglais au sujet de la vénalité des votes. Et ils ont raison, s'ils sont sincères. C'est une lâcheté de la part d'un homme riche que d'acheter un vote, et une lâcheté de la part d'un homme pauvre que de le vendre. Il est donc naturel qu'un pareil système nous inspire une profonde horreur. Éprouvons-la, si nous le pouvons, cette horreur, mais au moins ne la feignons pas. Les lois contre la corruption sont maintenant si sévères que l'infortuné candidat peut facilement se rendre coupable, même avec les intentions les plus pures. Et cependant, tout homme qui brigue l'honneur de représenter son pays au Parlement se croit obligé, avant tout, de déposer une forte somme chez son banquier. Il n'est pas permis aux candidats d'offrir des rafraîchissements, de payer des musiciens. Il ne doit distribuer ni rubans aux femmes, ni bière aux hommes. Si on le reçoit avec acclamation, il est obligé de prouver devant un comité que c'est le résultat spontané de l'enthousiasme et non celui de la bière anglaise. Il ne peut, sans danger, offrir un dîner à quelqu'un, car la corruption prend toutes les formes, voire même celle d'un verre de xérès. Et cependant, le pauvre candidat n'en découvre pas moins qu'il lui est presque impossible de vaincre sans argent les difficultés d'une élection contestée. Le moucheron nous reste à la gorge et nous avalons le chameau. Si pour obtenir accès dans ce sanctuaire, tout doit se passer d'une manière si franche, si ouverte, si facile, à quoi nous servent les Netherwind et les Close Hostile? Hélas, l'argent est nécessaire, quoi qu'on en dise, on le tient prêt, et bien plus, il est dépensé. Le pauvre candidat est laissé dans une ignorance absolue jusqu'au moment où l'homme de loi lui présente son mémoire et où le danger d'une pétition est passé. Il n'avait pas la moindre idée de tout ce qui se faisait en sous-main. Pauvre candidat, pauvre député, personne à cet égard n'est plus innocent que lui. Il est vrai qu'il avait déjà eu à payer de semblables mémoires, mais il avait prié son ami M. Netherwind de rester dans les bornes prescrites par la loi. Quoi qu'il en soit, il paye le mémoire et l'emploiera encore aux prochaines élections, M. Netherwind. De temps à autre, il est donné au simple mortel de jeter un regard furtif dans ce sanctuaire d'où la corruption est à jamais bannie. Et quelle agréable découverte pour lui, lorsque dans un moment de désespoir, quelques membres déchus de la Chambre lui avouent combien il en a coûté pour siéger pendant quelques années dans cet Élysée tant envié. Mais M. Netherwind était un homme sûr, on pouvait l'employer sans le moindre danger. Les lois contre la vénalité des suffrages ne font que rehausser la valeur d'un homme comme lui et lui garantir un emploi lucratif. Si ces lois étaient de nature à être facilement éludées, le premier avocat venu pourrait se charger des affaires d'un candidat et lui assurer un plein succès. Il eût mieux valu pour Sir Roger qu'il n'eût employé que M. Close Hostile, et mieux aussi pour M. Romer qu'il n'eût jamais péché dans ses eaux troubles. Les délibérations du comité commencèrent, et quel mortel alors fut plus heureux que M. Reddy Palm, quand, fumant tranquillement sa pipe dans l'auberge où il était descendu à Londres, il put se convaincre du rôle important qu'il jouait dans cette affaire. Tout dépendait de lui, aussi remplit-il consciencieusement son devoir. Le comité rendit enfin le jugement suivant. L'élection de Sir Roger était nulle et non avenue, attendu qu'il s'était rendu coupable de corruption par l'entremise de son agent en obtenant un vote au moyen du paiement d'un mémoire qu'on avait refusé de solder auparavant. Cela s'était fait, il est vrai, sans sa participation, mais il avait été compromis par son agent. Pauvre Sir Roger, pauvre M. Romer. Celui-ci était en effet digne de pitié. Quelque temps après l'élection, on avait besoin d'un homme jeune et plein d'énergie pour terminer un procès difficile à Hong Kong. On y avait envoyé M. Romer comme l'avocat le plus propre à remplir cette tâche. On lui avait fait les promesses les plus magnifiques et il était parti enchanté. Mais l'envie et la médisance se glissent partout. M. Romer était à peine arrivé qu'on le rappela. Il y avait parmi les membres de cette imposante cour du Parlement des hommes qui ne pouvaient se faire à l'idée que l'Angleterre fut représentée aux antipodes par un homme qui s'était joué de la liberté des votes. Il leur était impossible de goûter aucun repos avant que ce crime eût été lavé et expié par le rappel de M. Romer. Il fut donc rappelé, et il va sans dire que ce rappel causa sa ruine. Mais l'esprit de ces hommes justes fut alors en repos. Sir Roger perdit donc son siège au Parlement. Après avoir joui pendant 3 mois des douceurs de la législature, il se trouva de nouveau réduit à se contenter de celle de la vie privée. Le coup fut terrible pour lui. Il est rare qu'un homme dise franchement ce qu'il pense, même à son meilleur ami. On dirait qu'il a honte de céder à l'élan du cœur. Il est d'usage, en ce temps-ci, de paraître traiter tout avec indifférence, comme si l'on ne désirait qu'à moitié ce que l'on sollicite. Désirer vivement une chose semble être un enfantillage, et c'est toujours une politique maladroite. L'homme qui s'efforce de servir son ambition et de satisfaire son avidité pour les richesses le fait en souriant, comme ne cherchant qu'une distraction. Il en avait été de même peut-être de Sir Roger à l'époque des élections. Il avait parlé de sa nomination au Parlement comme d'un honneur qui ne pouvait avoir que des avantages très douteux pour lui et qui même devait nuire à ses intérêts particuliers. En outre, il était un ignorant en politique. C'était donc une folie. Mais il n'avait pu se refuser à se mettre sur les rangs, puisqu'on l'en avait prié. Jamais il n'avait reculé quand on avait eu besoin de lui. On l'avait toujours trouvé prêt à rendre service, etc., etc. C'est ainsi qu'il avait parlé de ses futurs honneurs parlementaires, et en général, on avait ajouté foi à ses paroles. Il avait été élu, et sa nomination avait été reçue avec enthousiasme et considérée comme un succès pour la cause qu'il servait. On ne soupçonnait pas tout ce que son cœur recelait d'orgueil, ni le triomphe secret qu'il éprouvait à l'idée que le pauvre maçon de Barchester était appelé à représenter sa ville natale au Parlement. Lorsque son siège lui fut disputé, il prit encore la chose en riant. On pouvait, dit-il, le lui enlever si on le voulait. Il le garderait ou il s'en passerait, ce qui vaudrait encore mieux pour lui. Il ne croyait avoir corrompu personne. Mais si les grosses perruques de la cour de justice en décidaient autrement, cela lui était parfaitement indifférent. La lutte n'en fut pas moins pénible pour Sir Roger, et d'autant plus pénible qu'il n'avait pas un seul ami à qui il pût dire ce qui se passait au fond de son cœur. Il aurait pu en parler au docteur Thorne, si leurs relations eussent été plus fréquentes. Mais il ne se voyait qu'en cas de maladie ou lorsque le squire avait besoin d'argent. Sir Roger avait beaucoup d'amis au point de vue parlementaire, des amis qui faisaient son éloge dans les réunions publiques, qui lui serraient la main devant tout le monde, qui buvaient à sa santé chaque fois que l'occasion s'en présentait. Mais il n'en avait pas un seul qui vint s'asseoir amicalement à son foyer, qui compatit à ses peines, qui écoutait avec intérêt les épanchements de son âme. Pour lui, il n'y avait ni sympathie ni affection qui pût le distraire du bruit du monde. Aussi, le coup qui le frappa, bien qu'il ne fût pas tout à fait inattendu, le trouva-t-il presque incapable de le supporter. Il avait éprouvé tant de satisfaction à entrer dans cette auguste salle et y siéger comme l'égal des ducs et des favoris de la nation. Jusqu'alors, l'argent ne lui avait rien donné au-delà des jouissances matérielles. Avec ses 300 000 livres sterling, il avait compris qu'il n'était pas plus près du but de son ambition que lorsqu'il taillait des pierres et qu'il gagnait 3 shillings et 6 pence par jour. Mais lorsqu'il s'était vu introduit dans cette salle, lorsque le Premier ministre lui avait serré la main, lorsque, dans de graves débats, il avait entendu citer l'honorable représentant de Barchester comme la plus grande autorité du pays en ce qui concernait le département des chemins de fer, il s'était dit qu'il n'avait pas travaillé en vain, puisque son nom figurait parmi ceux des hommes les plus influents. Hélas, ses lèvres avaient à peine effleuré cette coupe de délices qu'elle lui était retirée. Il montra beaucoup de courage lorsqu'on lui communiqua la décision du comité. Il se mit à rire aux éclats, déclara qu'il était débarrassé d'un lourd fardeau, fit quelques plaisanteries à propos de la correction de M. Moffat, et laissa ceux qui l'entouraient persuader que ce contretemps ne produisait aucune impression sur un homme d'un caractère aussi énergique et aussi indépendant que le sien. On admira sa gaieté lorsqu'il déclara, tout en faisant sonner son argent dans ses poches, qu'il n'avait jamais eu de meilleurs amis que M. Reddy Palm et Romer. Néanmoins, il sortait de cette lutte le cœur brisé. Il n'avait pas, comme d'autres ex-membres du Parlement en pareille circonstance, l'espoir d'être réélu 5 ou 6 ans plus tard. 5 ou 6 ans. Il savait bien que l'avenir ne lui en réservait pas autant, car il ne pouvait plus se passer d'eau de vie, et il sentait qu'il s'empoisonnait en buvant. Il ne craignait pas la mort, mais il aurait au moins voulu passer le peu de temps qu'il lui restait à vivre au milieu de ce monde influent où il avait un instant trouvé une place. Il rit bien fort en prenant congé de ses amis, puis il partit pour Boxall Hill. Il rit bien fort, mais ce fut pour la dernière fois. Il n'avait jamais beaucoup ri à Boxall Hill. C'était là qu'étaient sa femme, Winterbones et sa bouteille d'eau-de-vie. Rien ne l'y obligeait à y affecter de la gaieté. Il y arriva, selon les apparences en bonne santé, mais sa femme et Winterbones le trouvèrent plus taciturne qu'à l'ordinaire. Il se remit au travail avec ardeur et parla même d'aller surveiller l'entreprise de ses chemins de fer à l'étranger. Cependant, Winterbones lui-même s'aperçut bientôt que cette énergie n'était que factice, et il se décida enfin à faire part de ses inquiétudes à Lady Scatcherd. « Il revient sans cesse, Milady, sans cesse. »« Vraiment ?» répondit la pauvre femme, qui comprit parfaitement à quoi il faisait allusion. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, Milady. Moi, je puis aller une demi-heure quand j'ai pris ma goutte, mais lui, il ne s'arrête pas. » C'était une triste nouvelle pour la pauvre Lady Scatcherd, mais que pouvait-elle faire? Lorsqu'elle adressait la parole à Sir Roger, il lui répondait avec brusquerie. Comment donc aurait-elle osé aborder le sujet qui la faisait trembler? Jamais elle ne l'avait vue si maussade, si farouche, si triste, si déterminée à consommer son suicide. Elle eut un instant l'idée d'envoyer chercher le docteur Thorne, mais sous quel prétexte? Ni comme médecin, ni comme ami, sa visite ne pouvait être agréable à Sir Roger. Et cependant son mari, qui malgré tous ses défauts était son meilleur ami, l'être qu'elle aimait le plus au monde, son mari, disons-nous, se suicidait. Elle le savait, et elle voyait qu'il lui était impossible de l'en empêcher. Sir Roger était le maître. Il se suicida en effet, mais non d'un seul coup, en prenant une forte dose de son poison et en tombant roide mort, comme cela eût peut-être mieux valu pour lui et pour ceux qui l'entouraient. Non, les médecins eurent le temps de se presser autour de son lit. Il fut permis à Lady Scatcherd de lui prodiguer ses soins et il put prendre congé de sa famille. Comme ces dernières paroles doivent avoir quelque influence sur la destinée des autres personnages de cette histoire, nous prierons le lecteur de s'arrêter un moment avec nous auprès du lit de mort de Sir Roger.